ma vie comme en Bretagne en janvier. Malgré le mauvais temps, les embûches, il faut les enjamber. Oui, mon cas est équivoque. À l'époque, mon amour pour la rime était déjà réciproque. Poète de mon époque, où je n'ai à côté la plaque. La musique me donne ma place et les mots me donnent des claques. Au moins face à la mer, on peut crier métaphore. Dire ce que l'on a à dire en y glissant des métaphores. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. De la même balle et tous deux déçus, je prends mon dernier rêve. La sécheresse dans mes yeux et le vent n'y est pour rien. La chaleur de mon regard ne fait pas de moi un homme bien. Des fois je me sens seul, un peu comme un coquillage. Mais pourquoi la nostalgie m'entraîne toujours dans son sillage? J'ai pas attendu les choristes pour sentir l'onde d'espoir. J'ai beau être abattu, j'ai des ressources que je n'espoir. Si le monde était une plage, je ne serais qu'un grain de sable, visant les hauts sommets avec une confiance incassable. Au fond je suis comme la terre, je passe de l'ombre à la lumière. Avant j'existais pas, après je finirais poussière. La vie ce n'est qu'un film, à moi d'en être le héros. Le bonheur tient qu'à un fil, Seigneur mon Calogero. Face à la mer, de grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Tout de la même balle et tout de déçu, je prends mon dernier rêve. Face à la mer, c'est toi qui résistes, c'est toi qui résistes. Face contre terre, ton nom sur la liste de tout ton air. Si t'es à comparer, je suis pas du tout prétentieux, je n'ai pas le meilleur des discours. J'ai trop de choses à dire, je ne peux pas faire un disque court. On a tous besoin des autres, mais personne n'ose pardonner. On veut tous de la confiance, mais on hésite à la donner. Je veux pas mettre un genou à terre, autant finir sur un brancard. J'ai la conscience qu'il me faut et la fierté comme rempart. Chacun sa destinée, pour la tienne, bonne à souhaiter. Au futur, je croise les doigts, je veux le bonheur que j'ai souhaité. Face à la mer, ouais, j'aurais dû grandir.